Mesdames et messieurs, bienvenue à cet entretien exclusif accordé une fois de plus par notre consoeur de la CGTN français, Chanvry Zhang. Nous Aujourd'hui, allons. on va parler d'aérospatial avec vous, Madame Zhang Chongyi, et vous allez nous parler, voilà, du lancement d'un vaisseau, le vaisseau cargo chinois Tianzhou 6. En effet, le vaisseau spatial Tianzhou 6 a été lancé le 10 mai depuis l'île d'Arainan dans le sud de la Chine. Ceci marque en effet le début d'un nouvel exploit de l'aventure spatiale de la Chine. Il est chargé en effet de fournir un soutien à la mission spatiale habitée Shenzhou 15 et aussi les préparatifs visant à accueillir la mission spatiale habitée Shenzhou 16, dont le lancement est en effet aussi prévu pour le mois de mai. Alors, parlons concrètement, quelles sont les nouveautés de ce vaisseau cargo chinois Tianzhou 6? En effet, en premier, il s'agit actuellement de l'un des engins spatiaux cargo les plus puissants au monde. Après la mise à niveau et la transformation, le volume effectif de Tianzhou 6 a été augmenté de 20% et donc sa capacité de chargement est passée de 6,9 tonnes à 7,4 tonnes. Ceci jette en effet une bonne base pour les tâches de la station spatiale chinoise à l'avenir, qui seront de plus en plus diversifiées. Et tout à l'heure, vous avez parlé de que la Chine a en ce moment a plus de terrain dans le futur. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. La Chine, simplement, elle développe sa propre technologie aérospatiale dans l'exploitation de l'univers. Est-ce qu'il y a de nouvelles technologies qu'on pourrait éventuellement utiliser dans l'univers pour ensuite bénéficier les technologies que les gens peuvent en servir sur la Terre, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la culture des semences, que ce soit dans le côté navigation. Voilà, donc en fait l'idée, c'est de bien profiter de ces réseaux que la Chine est en train d'essayer de construire entre la Terre et l'espace pour qu'il y ait effectivement une interaction pour faciliter la vie au quotidien des gens. Et deux, je reviens sur ce vaisseau cargo. En effet, le contenu du cargo est plus diversifié qu'avant, d'autant que vous y trouverez la nourriture, l'eau, l'équipement de fret nécessaire aux astronautes envoyés. Et parmi eux, en effet, vous pouvez constater également cette fois-ci que le poids des fruits frais est environ 70 kg, soit environ le double du poids des fruits transportés par Tianzhou 5, qui était envoyé la dernière fois dans l'espace pour subvenir aux besoins alimentaires des équipages de Shenzhou 15 et de Shenzhou 16. Et donc, aussi, il y a aussi un autre élément qui sont très importants. En effet, il s'agit des carburants, puisque la station spatiale chinoise doit parfois réajuster sa position lorsqu'elle vole dans l'espace. Donc, en effet, à chaque fois quand la station spatiale chinoise réajuste sa position, eh bien, elle a besoin de la consommation du carburant. Par conséquent, de plus en plus, en plus de fournir des fournitures aux astronautes, comme des nourritures, comme des fruits que j'ai mentionnés tout à l'heure, il y a aussi le vaisseau spatial cargo a également ce rôle important qui est d'ajouter du propulseur à la station spatiale. Et enfin, le lancement de Tianzhou 6 est aussi la première mission de lancement depuis que la station spatiale chinoise est entrée dans une nouvelle phase d'application et de développement. Et aussi, c'est la première mission de vol après que la station spatiale chinoise soit entrée dans sa phase d'application de développement. Donc, en effet, c'est très symbolique, le lancement de la Chine qui se passe le 10 mai. En effet, un pour fournir encore aux besoins de l'équipage de Shenzhou 15 et ensuite aussi d'attendre qu'ils puissent préparer le terrain, d'attendre d'accueillir de nouveaux astronautes chinois qui vont arriver faire leur travail dans la station spatiale chinoise. Donc voilà, c'est quand même une tâche très importante concernant ce côté de envoi de nourriture, envoi de propulseurs, comme je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, la coopération entre la Chine et l'Afrique dans tout ce qui est l'aéronautique et aussi dans la coopération dans l'exploitation de l'espace, ça ne date pas d'hier, puisqu'il faut déjà rappeler qu'en septembre dernier, en septembre 2022, des adolescents de 8 pays africains, dont l'Éthiopie, l'Égypte et aussi bien d'autres pays africains, ont participé au dialogue Tiangong avec des astronautes de la mission Shenzhou 14 à la station spatiale chinoise au siège de la commission de l'Union africaine à Addis-Abeba en Éthiopie. Et ces adolescents, en effet, ont participé à la conversation interactive entre la Terre et la station spatiale chinoise. En tout, Les trois astronautes chinois ont répondu une à une aux questions des enfants d'Algérie, d'Égypte, d'Éthiopie, de Namibie, du Nigeria, du Sénégal, de Somalie, de l'Afrique du Sud, qui étaient en effet curieux de savoir, par exemple, s'ils pouvaient aussi voir le désert de Sahara depuis la station spatiale chinoise, et si, par exemple, le mont Kilimandjaro est également sur le palais du ciel, également vu sur le palais du ciel. Ou encore d'autres questions, par exemple, comment les femmes astronautes peuvent en effet réaliser leurs rêves, quelles tâches sont exécutées, quelles qualités doit posséder un bon astronaute pour qu'il puisse monter dans l'espace, pour qu'il puisse passer un séjour dans la station spatiale chinoise. Voilà ce genre de questions. L'ambiance a été très animée aussi dans cette interaction entre les enfants et les astronautes. Et aussi concernant la technologie, la coopération, là, il y en a beaucoup, en effet, qui existent entre la Chine et l'Afrique, que ce soit pour l'amélioration du développement de la surveillance du climat, dans la culture des semences, dans la prévention de l'atténuation des catastrophes, et aussi, ça peut être aussi dans la coopération du développement, dans la coopération du développement de la science et la technologie en Afrique. Par exemple, la Chine a aider les pays africains à lancer et aussi à construire leurs propres satellites à plusieurs reprises. Et ces dernières années, la coopération spatiale sino-africaine s'est étendue aussi aux d'autres domaines, par exemple le domaine de la recherche, du développement et de la fabrication de satellites, ce qui a effectivement renforcé les capacités de développement indépendant pour plusieurs pays africains. Et enfin, d'autres choses à souligner, c'est la formation, surtout la formation dans le développement des talents en Afrique, puisque depuis 2014, la Chine a utilisé des bourses complètes au gouvernement chinois pour financer des projets de recherche d'étudiants algériens, égyptiens, éthiopiens, togolais, camerounais, mozambicains, nigériens et soudanais. Donc, on peut dire que là-dessus, la Chine essaye de faire un effort dans les échanges, dans les formations, dans l'innovation scientifique et technologique pour que de plus en plus de nos amis africains puissent mieux bénéficier de ce que peuvent fournir des universités chinoises et des instituts de recherche scientifiques chinois pour mieux mener les recherches ensemble. Voilà une présentation, j'espère, assez complète. J'imagine qu'il y a encore venir dans l'avenir, tout ce qui concerne la coopération entre la Chine et l'Afrique dans l'aérospatiale. Nous vous disons merci d'être resté fidèle sur les programmes d'Afrique Média. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.